بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue dans l'explication du livre الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. Et on est toujours dans les conséquences, ou plutôt dans les causes de ce qui amène à la séparation de la jama'a. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'avant-dernière. Il y en a 8 qui étaient mentionnées par le cheikh. Et aujourd'hui, c'est le numéro 7. Et après, il y a la dernière qui est numéro 8. Numéro 7, c'est Sabbul Wulat. Sabbul Wulat, c'est-à-dire les gens qui se permettent d'insulter les dirigeants. Et on a parlé un petit peu de ça au dernier cours. On a mentionné le fait que certains se permettaient de faire des insinuations, hein, dans la citation de l'imam Shawkani et la citation de d'autres également parmi les ulama. On disait que certains d'entre eux, ils se permettent de faire des insinuations, c'est-à-dire au lieu ils insultent pas les dirigeants ouvertement. Donc ils font des insinuations. Et ça, c'est l'attitude de beaucoup d'entre les gens, malheureusement. Et ça, c'est la voie des khawarij, comme on a expliqué. Il y a des gens, comme j'avais mentionné dans un cours précédent, ils ont cette habitude de critiquer toujours les gens qui sont au pouvoir et de parler contre les dirigeants. Et s'ils ne le font pas en public, ils le font en privé. Et en particulier, ils le font chez eux, dans leur maison, devant leur famille, devant leurs enfants. Et leurs enfants grandissent à cause de ça, avec la haine de leurs dirigeants et la haine de l'autorité, la haine du pouvoir. Et donc, peut-être qu'en apparence, les gens, ils ne montrent pas leur animosité ou leur opposition, mais avec le temps, cette haine-là, elle se développe. Et plus tard, on le voit dans les générations qui suivent. Et c'est pour ça que tu vois maintenant, dans certains pays musulmans, des jeunes qui sortent dans les rues et qui font des marches et des manifestations. Et des fois, tu te demandes, comme c'est le cas dans certains pays, comme actuellement en Algérie, il y avait eu beaucoup de marches et de manifestations. Tu te dis, mais comment des gens comme ça, tous les jours, ils sortent dans la rue pour aller manifester, marcher dans la rue? Et ils disent, non, mais nous, c'est pacifiste. On fait pas on tue pas personne, on brise rien. Oui, mais vous avez rien d'autre à faire que d'aller marcher dans la rue tous les jours? Yani, c'est des gens qui s'ennuient, qui font ça. Hein? Des gens, ils veulent faire la fête, alors ils s'ennuient, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, hein, changer les idées. Et puis ils marchent dans la rue, puis ils font toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec l'islam. Hein? En commençant par le fait justement de manifester. C'est quelque chose qui est clairement interdit par l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais enseigné cette voie-là. Et on sait très bien de qui ça vient. Hein? Ça vient des juifs et des chrétiens. Et c'est des gens qui disent, non, nous, hein, on s'est battu pour notre indépendance, on s'est battu pour être débarrassé des Français. Maintenant, une fois que tu es débarrassé des Français, yani, tu veux vivre comme eux et tu veux suivre leur exemple dans leur façon de gérer les questions politiques ou les problèmes politiques, au lieu de revenir à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un gros problème. Et franchement, il faut que ces gens-là reviennent à la compréhension correcte, hein, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, et à la compréhension du Coran et de la Sunna selon la compréhension des salafs. Ceci dit, le cheikh Abdussalam ibn Burjis rahimahullah, dans son livre Al-Amru bi luzumi jama'ati al-muslimina wa imamihim wa at-tahdhiru min mufaraqatihim, aujourd'hui c'est le cours 15, donc il dit dans ce chapitre Sabbul Wulat, il dit, إن الوقيعة في ولاة أمر المسلمين بالسب والثلب لمن أكبر الأسباب التي تفضي إلى الخروج عليهم. ذلك بأن السب هو الشرارة الأولى التي تهيج النفوس على الشر وتذهب بهيبة الولاة من نفوس الناس. ولإيصاد هذا الباب جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن سب الولاة والطعن عليهم. Donc ici le cheikh il explique que le fait de critiquer ou d'insulter les dirigeants musulmans, soit en les insultant ou en les dénigrant. C'est parmi les plus grandes causes qui amènent à la révolte et à la rébellion contre les dirigeants. Et la raison de ça, c'est parce que l'insulte, c'est quelque chose qui est la première manifestation de mal, hein, du mal qui est à l'intérieur des âmes. Et ça, en réalité, ça incite et c'est, ça excite aussi les âmes vers le mal. Parce que lorsque quelqu'un se permet d'insulter le dirigeant publiquement, hein, et d'insulter, de dire des insultes et des grossièretés à propos des dirigeants, eh bien ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les gens perdent le respect dans leur cœur pour ceux qui sont au pouvoir. Hein? Quand quelqu'un se permet d'insulter les dirigeants et de dire du mal des dirigeants et de dire des grossièretés et de les insulter, ça c'est un grand signe, hein, que quelqu'un n'a plus de respect pour ses dirigeants. Et la meilleure façon de faire comprendre ça à quelqu'un, c'est de comparer ça avec l'exemple de celui qui insulte son père ou celui qui insulte sa mère et qui lui dit des grossièretés. Depuis qu'une personne voit qu'un enfant insulte son père ou dit à son père des grossièretés ou des gros mots, hein, et qu'il l'injure ou qu'il l'insulte, aussitôt, tout le monde qui entend ça ou qui voit ça, tout de suite, ils savent que cet enfant-là, c'est un enfant qui n'est pas bon, un enfant qui est mauvais, un enfant qui est irrespectueux et qui n'a aucune bonne manière. Hein? Et c'est quelque chose qui est condamnable et qui est condamné, ça c'est clair. Même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit à propos de l'enfant qu'il ne doit même pas dire « ouf » à ses parents. « Wala taqul lahuma ouffin » Donc, si quelqu'un n'a pas le droit de faire ça à ses parents sont ses dirigeants dans sa maison, ce sont c'est ceux qui l'ont mis au monde. Et les dirigeants, ils ont une wilaya sur nous qui est encore plus grande que celle de nos parents. Parce que ce sont ceux qui, hein, nous dirigent et nous gouvernent. Donc, il faut les traiter avec le respect, hein, qui est nécessaire. Et ça implique qu'on n'a pas le droit non plus de les insulter et de les dénigrer de la même manière qu'on n'a pas le droit de dénigrer ou d'insulter nos parents. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit, « Wa isad hadha al-bab ja'a » Donc, pour fermer cette porte de l'insulte des dirigeants, eh bien, la révélation divine est purifiée, nous a interdit de façon certaine l'insulte des dirigeants, hein, et d'injurer les dirigeants et de dire du mal des dirigeants. Il dit, « Wa an anasin » فعن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نسبوا أمراءكم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم أو لا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن عبد البر في التمهيد وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في الترغيب والترهيب و البيهقي في شعب الإيمان ولفظه أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا. Donc ici le cheikh il dit que il a été rapporté selon Anas radiallahu anhu que il a dit nos grands parmi les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous ont interdit en disant « N'insultez pas vos dirigeants et ne les trichez pas, ne trichez pas vos dirigeants et ne leur désobéissez pas et soyez patients et préservez-vous d'Allah car l'affaire est proche. Hein? » Car l'affaire est proche ou l'ordre est proche. Et Ça, c'est rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah. Et Ibn Abdel Barr, il l'a rapporté également dans son livre At-Tamhid. Et Abul Qasim al-Asbahani, qui est surnommé Qiwam al-Sunnah, hein, les fondements de la Sunnah. Et il l'a rapporté dans son livre At-Targhib wa-Tarhib. Et Al-Bayhaqi, dans son livre Shu'ab al-Iman, l'a rapporté également. Et dans cette narration, sur une autre forme, qui dit, nos grands, parmi les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont ordonné de ne pas insulter nos dirigeants. فَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى النَّهِي عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ لِذَاتِهِ وَلِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنَ الْخُرُوجِ وَتَأَمَّلْ مَا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ فِي هَذَا يَتَّضِحُ لَكَ شَيْءٌ مِنْ مَفَاسِدِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأُمَرَاءِ بِالسَّبِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه فيقال له يا أبا معبد أوأعنت على دمه فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ والخطيب في المتفق والمفترق بإسناد صحيح. Donc ici il dit que ça c'est un consensus de la part des grands parmi les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'interdiction d'insulter les dirigeants, hein, et d'insulter leurs personnes à cause des conséquences qui peuvent en découler, c'est-à-dire de la rébellion et de la révolte. Et il dit, et quand on médite sur ce qui a été rapporté de façon authentique de la part de Abdullah ibn Ukaym, eh bien, on voit clairement, hein, les effets, ou bien plutôt les méfaits qui peuvent découler de l'insulte des dirigeants. Et Abdullah ibn Ukaym, il dit, je ne vais jamais aider, hein, à faire couler le sang d'un khalifa après Othman. Je ne vais jamais laisser couler le sang d'un khalifa ou d'un dirigeant après Uthman, radiyallahu anhu. Alors, on lui a posé la question. Ya Aba Ma'bad, est-ce que tu as aidé à faire couler son sang? Est-ce que tu avais aidé à faire couler son sang? Il a répondu, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je calcule, hein, ou je considère, ou je calcule parmi les choses qui font partie d'aider à faire couler son sang, le fait de mentionner ses méfaits ou ses péchés ou les mauvaises choses qu'il a fait. Donc le fait de mentionner les choses que le dirigeant a fait ou les choses qu'un dirigeant aurait fait qui sont yani, pas correctes, hein, eh bien le fait de les mentionner seulement, ça rentre également dans le fait d'aider à faire couler son sang par rapport à la révolte et à la fitna que ça peut créer. Et tu vois qu'aujourd'hui, il y a des musulmans, ils ne savent que ça. Ils ne savent que faire ça. Quand ils veulent, par exemple, faire des discussions, ils s'assoient et ils commencent à mentionner les péchés des dirigeants ou les péchés qu'un dirigeant a fait ou les décisions que le dirigeant a prises qui sont contraires à l'islam ou qui sont des péchés ou qui sont des erreurs. Et, ou bien des décisions au sujet desquelles eux ils ne sont pas d'accord, avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, même si elles ne sont pas contraires à l'islam. Et donc ils vont commencer à énumérer ces choses-là. Et certains, nasallallahu alayhi, j'ai entendu ça parmi les gens aujourd'hui qui se permettent de faire ça, qui disent, ouais, mais moi j'insulte un dirigeant, mais ou je parle contre un dirigeant. Mais ce n'est pas mon dirigeant à moi, parce que moi, je viens de tel pays et moi, je parle du dirigeant d'un autre pays. Donc, il y a cette attitude de la part de certains qui se permettent d'insulter les dirigeants des pays des autres que leur propre pays. Hein? Et il y en a, par exemple, qui se permettent d'insulter ou de dénigrer le roi d'un autre pays, mais ils ne vont jamais oser, par exemple, dire un mot sur le roi de leur pays. Ou ils vont se permettre de parler contre le président d'un autre pays musulman, mais ils ne vont jamais se permettre de parler contre le président de leur pays. Mais si c'est le président ou le roi d'un autre pays musulman, tu dois t'abstenir également de le critiquer comme tu dois t'abstenir de critiquer le roi et le président de ton propre pays musulman. Parce que si on commence à utiliser ce genre de raisonnement, ce genre d'argument ou de shubha, eh bien ça ouvre la porte à la critique et à l'insulte de tous les dirigeants. Parce que quelqu'un peut toujours dire « Ah oui, mais ça c'est celui de l'autre pays, c'est pas le mien. » Et il y a des fatwas, des ulama qui parlent de ce sujet-là et qui mentionnent que ça c'est incorrect. Hein? Et ça c'est une des ruses parmi les ruses des khawarij à notre époque. « C'est pas mon dirigeant, donc je peux l'insulter. » A'udhu billah. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit que ça, c'est cette parole d'Ibn Uqaym, elle est rapportée par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf et Ibn Sa'd dans Al-Tabaqat et Al-Fasawi dans son livre Al-Ma'rifatu wa Tariq et Al-Khatib Al-Baghdadi dans Al-Muttafiq wa Al-Muftariq avec une isnad qui est authentique. Après, il dit « Wa fadhikru al-ma'aib wal-masawi idha kanat » كذلك حقا أمر ممنوع شرعا نظرا لما يترتب عليه في حق الولاة من إطاحة هيبتهم والدعاية لبغضهم والتنفير عنهم ومن ثم يعني تهيئة الأسباب للخروج عليهم وكل ذلك مما نهي عنه شرعا. Donc, il dit, le cheikh, le fait de mentionner leurs défauts ou de mentionner leurs méfaits, et ça, c'est si ces méfaits-là sont réels et sont vrais, parce qu'on sait que beaucoup de ces choses-là que les gens racontent à propos des dirigeants, c'est des pures calomnies et des purs mensonges et des fabrications, des fois. C'est des choses, si tu demandes à la personne qui les prétend ou qui les énonce, est-ce que tu as une preuve claire et tangible de ce que tu prétends ou de ce que tu dis à son sujet, yani 100%, il n'a pas de preuve et il ne peut rien supporter. Et parfois, peut-être qu'ils vont se baser sur quoi? Sur quelque chose qu'ils ont lu sur Internet ou qu'est-ce qu'ils ont lu dans un journal ou des choses de ce genre. Comme ça, comme si c'était une preuve. Alors que la plupart du temps, ces choses-là, ce ne sont que des rumeurs ou ce ne sont que des choses que les gens répètent sans avoir aucune preuve et sans avoir aucune évidence pour les justifier et pour les supporter. Donc, ça, c'est de l'insulte. N'importe qui d'entre nous, si quelqu'un venait et commençait à étaler ses péchés devant tout le monde et commençait à dire, regardez, lui, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Personne ne pourrait accepter ou même être d'accord avec le fait de faire ça. Que dire de celui qui agit de cette manière à propos de celui qui est au pouvoir et qui a la plus grande responsabilité parmi la responsabilité des musulmans dans le monde et dans un pays. Donc ça, c'est complètement inacceptable. Et ces gens-là, c'est comme si on dirait qu'ils rendaient le riba, la médisance et le fait de parler dans le dos, comme si c'était halal, comme si c'était légitime et que c'était permis lorsqu'il s'agit du dirigeant. Donc le cheikh, il dit que si quelqu'un fait ce genre de choses, ça c'est complètement interdit dans la charia de l'islam, parce que en plus de ça, il y a le fait que c'est le dirigeant, il y a le fait que tu dises et que tu fasses ce genre de choses-là, par rapport au dirigeant, eh bien tu diminues de son statut, de son droit. Tu fais tomber le respect qui lui est dû dans le cœur des musulmans, dans le cœur de la population. Et c'est un appel direct à détester ce dirigeant-là et à faire fuir les gens et faire fuir les cœurs de ce dirigeant-là et à ne pas l'aimer. Et c'est en même temps une préparation parmi les préparations qui amènent les causes de la rébellion et de la révolte. Et donc, toutes ces choses-là sont des choses qui nous ont été interdites selon la charia. Et l'autre jour, j'étais en train de... J'étais allé quelque part, puis j'ai rencontré un musulman. Et ce musulman-là, il me connaît. Il connaît ma position. Mais il fait semblant comme si... comme s'il ne sait pas. Alors, il commence à me raconter des histoires à propos d'un dirigeant. Il me dit, ah, lui, il fait ci, il fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Ils ont trouvé, par exemple, ils ont trouvé un bateau avec de la cocaïne, je ne sais pas quoi. Yani, j'ai dit, subhanallah. J'ai dit, mon frère, tu connais ma position? Tu sais que moi, je suis salafi? Tu sais que moi, je suis complètement en désaccord avec ce genre de comportement et de ce genre de propos? Donc, j'ai dit, pourquoi tu me parles de cette façon? Hein? Et je lui ai rappelé donc les hadiths et les exemples du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de un, ça c'est des accusations, tu n'as pas de preuves. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, vous allez voir hein, des choses qui sont hein, contraires à l'islam et des choses que vous détestez de la part de certains dirigeants. Il a dit, innakum satarawna athara wa umurun tunkirunaha. Vous allez voir des dirigeants qui vont se donner des privilèges, qui vont s'apparer les biens de la dunya, qui vont prendre tout ce qui leur revient et plus, même qui vont prendre ce qui vous appartient et ils vont hein, se donner des privilèges et ils vont vous priver de vos droits. Et quand les Sahaba ont dit, Ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne devrait pas les combattre? Afala hein? nuqatiluhum, afala nuqawimuhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois il dit, La isbiru. La, ma aqama fikum as-salah. La, la tuqatiluhum. Isbiru. Hatta talqawni ala al-hawd. Ila akhirih. Donc, à chaque fois qu'on lui pose cette question, soyez patient. Non. Soyez patient. Non. Écoutez et obéissez. Hein? Et dans d'autres narrations, non. Tant qu'ils établissent parmi vous la salat. Hein? Et ainsi de suite. Jamais on a vu dans un hadith où il dit, lorsque on lui mentionne des exemples d'un dirigeant qui commet des péchés ou qui fait des choses contraires à l'islam, oui, rebellez-vous, révoltez-vous ou des choses de ce genre. Jamais. Seulement dans un cas, il a mentionné une chose. Il a dit, illa antaraw kufran bawahan fihi min Allahi burhan. Excepté si vous voyez un kufr qui est clair, explicite. Au sujet duquel vous avez une preuve hein, à son sujet venant d'Allah. Et ça, c'est la seule exception dans laquelle il a mentionné ça. Et cette exception-là, souvent, certains, parmi les Khawarij, justement, ils considèrent que le fait que le dirigeant commette un péché, que ça, c'est un acte de kufr. Parce qu'ils font le takfir pour les péchés. Donc, ils disent, ah, oh, mais le dirigeant, là, il y en a une fois, il m'a dit, ce dirigeant-là, il prend son bain avec du lait. Il prend son bain avec du lait. C'est-à-dire, il met du lait dans son bain pour se baigner. J'ai dit, ça, c'est un acte de kofre, yahi? Est-ce que ça, c'est un acte de kofre? Est-ce que ça te permet de te rebeller contre lui? Hein? Donc, c'est pour ça que tu vois ces gens-là, yani, n'importe quoi est un acte de kofre pour eux. Hein? Parce qu'ils ignorent les fondements de l'islam. Et donc, il faut faire attention à ça. Eux, ce hadith-là, ils le prennent et ils l'étirent. Hein, ils se permettent de l'appliquer à n'importe qui et à n'importe quoi, sans avoir aucune connaissance et aucune compréhension. Et ils ne savent pas également ce que les ulama ont mentionné comme condition, même pour pouvoir appliquer ce hadith-là, par rapport au dirigeant qui a vraiment commis un acte de kufr qui est clair et explicite, c'est qu'il y a encore là des conditions pour pouvoir le mettre en application, et c'est qu'il n'y a pas, il ne va pas y avoir des conséquences à le remplacer par un dirigeant croyant. Il n'y aura pas de conséquences qui vont être plus mauvaises, hein, comme par exemple le fait de faire couler le sang des innocents et le fait de yani, d'établir, de répandre le chaos et le désordre dans la société. Si tu vois que ça amène plus de mal que de bien, alors dans ce cas-là, ce n'est pas un bien. Et dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Même s'il est mécréant, ce dirigeant-là, ce n'est pas permis de le retirer de cette façon. Ala kulli hal. Le cheikh, il continue, il dit, وَإِضَافَةً إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَمِنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ الْمَنْصُوصِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ فِي شَيْءٍ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ الْخَوَّاصُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَهِيَ نَصِيحَةٌ ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما فضحه أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرج نحوه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه عنها عن أم الدرداء رضي الله عنها. Le cheikh il dit, en plus on peut rajouter au fait que ce soit une forme de médisance interdite, hein, que le fait d'insulter les dirigeants, ça a été textuellement mentionné comme étant interdit, mais il dit, le cheikh, que ça n'a rien à voir avec la nasiha. Quelqu'un qui insulte le dirigeant, où est-ce qu'elle est la nasiha là-dedans? Où est-ce qu'elle est la nasiha dans le fait de l'insulter? Hein? Il n'y a aucune nasiha là-dedans. Déjà, la nasiha, à la base, ça veut dire la sincérité et le fait de vouloir du bien, hein, et de vouloir le bien de la personne. Donc, si tu l'insultes, où est-ce qu'il est le bien? Et il cite ici une parole de Suleyman al-Khawas, rahimahullah, qui est rapportée par Ibn Abi Dunya dans Al-Amr bil-Ma'ruf wa Nahi an al-Munkar, ainsi que dans Al-Amr bil-Ma'ruf wa Nahi an al-Munkar de l'imam al-Khalal, quelque chose dans ce sens-là, rapporté sur Umm al-Darda. Qu'est-ce qu'il a dit, Suleyman al-Khawas? Il a dit, celui qui fait une exhortation à son frère entre lui, hein, entre lui et son frère en privé, ça c'est une nasiha. Mais celui qui exhorte son frère devant tout le monde, ça c'est une fadiha, hein, c'est un scandale, c'est une honte. C'est comme s'il l'insulte publiquement. Hein. Et ensuite il dit, وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَجُلٍ قَدَحَ فِي الْأَمِيرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أمير البصرة من قبل عثمان فقال عن ابن عامر وهو يخطب فقال عن ابن عامر وهو يخطب انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكر رضي الله عنه أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب انتهى كلامه. و donc ici le cheikh il dit que Abu Bakr radiyallahu anhu il a réprimandé et condamné une personne qui insultait le dirigeant, et ce dirigeant là c'était Abdullah ibn Amir, c'était le gouverneur de la ville de Basra à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Alors quand le gouverneur s'est levé pour faire la khutba, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a dit à son sujet, à propos de ce dirigeant-là, de ce gouverneur? Il a dit, regarde notre dirigeant, notre gouverneur qui porte les vêtements des pervers, les vêtements des pécheurs. Parce qu'il avait des vêtements fins, hein? Il avait des vêtements fins. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Bakr, radiyallahu anhu? Il a dit, Oskut, tais-toi. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, quiconque dénigre le dirigeant d'Allah, ou le sultan Allah, c'est-à-dire hein, l'autorité d'Allah sur terre, Allah va l'humilier. Allah va l'humilier. Donc toi, tu essaies de dénigrer ou d'humilier le dirigeant, Allah va te dénigrer. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Il a dit, Hassanun Gharib. Il dit après, « وأخرج عبد الرزاق في المصنف والخطيب في تاريخ بغداد أن مسور بن مخرمة قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان فقال حاجته فقضى حاجته ثم دعا فأخلاه ثم دعاه فأخلاه فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا في وأحسن فيما ماذا نعم ماذا فعل طعنك على الأئمة فقال المسور دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له فقال لا والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي فقال المسور فلما اي نعم فلم اترك شيئا اعيبه عليه الا بينته له فقال معاوية لا أي نعم لا بريء من الذنب فهل تعد يا مسور مالي من الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشر أمثالها أم تعد الذنوب وتترك الحسنات قال المسور لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك أن تهلك إن لم يغفرها الله فقال المسور نعم فقال معاوية فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني فوالله لما أليء من الإصلاح أكثر مما تلي ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله تعالى على ما سواه وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بإضعافها وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك فتفكر في ذلك قال المسور فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر قال عروة بن الزبير فلم يسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا استغفر له وهذا لفظ الخطيب وإسناده حسن cette histoire qui est ici mentionnée c'est une histoire qui est vraiment intéressante et il y a beaucoup de leçons à en tirer et on va donc la traduire maintenant c'est un dialogue qui a eu lieu entre Miswar et Miswar ibn Makhrama avec Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu et vous savez que Muawiya radiyallahu anhu c'est un des sahaba un parmi les sahaba et c'est un parmi les scribes qui ont écrit la révélation du Coran et également on l'appelle ou il est appelé comme les ulama le mentionnent Khalul Mu'minin pourquoi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié avec sa sœur radiyallahu anhu wa anha donc Habiba si je me rappelle bien c'était sa sœur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié avec elle radiyallahu anha et elle fait partie des mères des croyants donc si elle est une mère des croyants eh bien lui certains ulama ont dit bon par conséquent il est donc l'oncle maternel des croyants parce que il est marié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était marié avec elle avec sa sœur donc ça c'est juste un exemple mais il a aussi beaucoup d'autres mérites et beaucoup d'autres qualités il a rapporté des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a fait de grandes choses il a fait de grandes choses pour l'islam lorsqu'il a été khalifa de la Ummah. Donc, ici, ce dialogue qui est rapporté par l'imam Abdurrazzaq dans son livre Al-Musannaf et par Al-Khatib dans Tariq Baghdad, il dit que Al-Miswar ibn Makhrama est venu dans une délégation rencontrer Muawiya ibn Abi Sufyan à l'époque où il était gouverneur. Et Muawiya a réglé ce qu'il voulait. C'est-à-dire, il lui a donné ce qu'il voulait. Puis ensuite, il l'a appelé pour lui parler en privé. Et Muawiya lui a posé la question. Radiyallahu anhu, ya Miswar. Oh Miswar, Yani, pourquoi qu'est-ce qui se passe avec ta parole, hein, contre les dirigeants et tes insultes contre les dirigeants et les gouverneurs? Alors, Misouar a dit, non, laisse ça, hein, laisse tomber. Yani, en voulant dire, yani, laisse ça de côté, cette discussion-là de côté, on n'en parle pas. Prenons quelque chose de mieux, parlons de quelque chose de bien. Et il a dit, non, par Allah, tu vas me dire ce qu'il y a réellement en toi-même. De ce que tu me blâmes. Hein? Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu penses? Alors, il dit, Misouar a dit, je n'ai rien laissé de ce que je lui reprochais, excepté que je lui ai clarifié. Donc, il lui a dit clairement tout ce qu'il avait sur le cœur et tout ce qu'il pensait à son sujet. Directement et clairement. Donc, ça prouve que d'un certain point de vue, il est franc. Il est honnête et il est sincère. Donc, il lui a dit clairement qu'est-ce qu'il pensait. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Muawiyah, radiyallahu anhu? Il lui a dit, je ne suis pas innocent des péchés. Il dit, je ne suis pas innocent des péchés. Et il dit, est-ce que tu calcules, ô Misouar, ce que je fais comme réforme et comme bien pour le bien général des musulmans? Et tu sais que les bonnes œuvres sont calculées en les multipliant par 10, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il récompense une hasana, il les multiplie par 10. Ou bien est-ce que tu calcules uniquement les péchés et tu laisses de côté les bonnes œuvres, hein? En voulant dire, tu calcules les péchés des dirigeants, mais tu ne regardes pas du tout le bien qu'ils font. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens de l'ingratitude et des gens qui ne pensent tout le temps qu'à voir le mal et les péchés. Et ça, tu le vois dans les pays musulmans. Malheureusement, j'ai dit ça au frère justement que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai dit, toi, quand tu regardes dans les pays musulmans, tu ne vois que le mal. Tu ne vois que ce qu'il y a de négatif. Je t'entends jamais mentionner des choses positives dans les pays musulmans. Jamais. Hein? Illa rahim Allah. Donc j'ai dit, est-ce que ça c'est normal que tu mentionnes uniquement les choses mauvaises? Quand tu parles d'un dirigeant, tu ne parles que de ce qu'il fait de mal. Jamais rien de ce qu'il fait de bien. Il ne fait rien de bien cette personne? Ça c'est impossible. Même des koufars, des fois ils font des actions qui sont bonnes. Mais à propos des dirigeants musulmans, tu ne vois d'eux que qu'est-ce qu'ils font de mal seulement? Ça, c'est de l'injustice totale. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit à Al-Miswar, non, par Allah, je ne mentionne que ce que je vois de ces péchés-là. Et Muawiyah lui a dit, il dit, je reconnais devant Allah, hein, je reconnais à Allah chaque péché que j'ai commis. Je reconnais à Allah chaque péché que j'ai commis. Mais toi, ô Misouar, est-ce que en privé, tu n'as pas certains péchés que tu fais? Si Allah ne te les pardonne pas, tu vas périr? Il a dit oui. Misouar a dit oui, c'est vrai, j'en ai des péchés comme ça. Alors, Muawiyah, radiyallahu anhu, il a dit, alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu as plus le droit d'espérer en le pardon que moi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as plus le droit d'espérer le pardon d'Allah que moi? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Muawiyah lui a dit, par Allah, moi, je gère des choses qui font de la réforme plus que toi. Parce que c'est lui le dirigeant. Donc, il gère beaucoup des choses qui ont rapport avec le bien des musulmans. Hein? Il fait construire les mosquées. Il organise les armées pour le djihad. Établit des écoles réciter aux gens le Coran et apprendre le Coran. Il organise les choses, tout ce qui a rapport dans la ville pour organiser la vie des gens et faire le bien des gens. Si tu calcules juste, hein, comme par exemple dans certains pays, si tu calcules juste par exemple le fait qu'on ramasse les déchets, hein, dans les rues pour ne pas les laisser traîner, juste ça déjà, c'est une hasana. Hein, une grande action parmi les actions de bien, parce que s'il ne le fait pas, la ville va devenir rempli de saleté, de poubelles partout. Hein? Mais les gens, ils ne pensent pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs poubelles, ils les mettent dehors, puis ils disparaissent chaque fois. Hein? Mais si ça s'arrête, il n'y en a plus. Hein? C'est fini. Les gens ne pensent pas au bien qu'ils ont et ils ne sont pas reconnaissants envers Allah pour le bien qu'ils ont. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas ça. Hein? J'ai dit, Harry, dans ton pays, là, est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans la rue? Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent pas de l'eau pour boire? Est-ce qu'il y a des gens qui marchent nus parce qu'ils n'ont pas des vêtements? Yani, ça, t'es pas reconnaissant envers Allah pour ça. Vous pleurez pourquoi? Parce que vous n'avez pas des gâteaux, vous n'avez pas des bonbons. C'est pour ça que vous pleurez. Vous pouvez pas avoir yani, le luxe et la richesse comme yani, vous voulez rouler en Mercedes. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hein? Vous voulez vivre comme les riches? C'est ça que vous voulez. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous blâmez le dirigeant. Donc, tout ça, c'est des exemples, Yanni. Même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, mais soyez reconnaissant envers Allah. Soyez reconnaissant envers Allah pour ce que vous possédez. Et demandez à Allah pour avoir si vous voulez plus, mais soyez patient. Hein? Vous pensez que c'est que la responsabilité de celui qui est au pouvoir de vous donner tout ce que vous voulez. Hein? Comme si c'était lui, hein, qui était responsable de votre bonheur ou de votre malheur. C'est Allah qui donne le risque, c'est pas le dirigeant. Hein? Ensuite, Muawiya, il dit, moi, Allah, il m'a chargé de plein de responsabilités qui font que je suis responsable de réformer beaucoup de choses et faire beaucoup de bien. Et il dit, par Allah, on ne me donne pas le choix entre deux choses, excepté que je vais choisir Allah. Si on me fait choisir entre Allah ou quelque chose d'autre, je vais choisir Allah, hein, au-dessus de quoi que ce soit. Et il dit, je suis sur une religion que Allah, il va accepter pour elle, les œuvres que je fais. Ça veut dire qu'il est sur la religion d'Allah, le tawhid. Ça veut dire que s'il fait des bonnes œuvres, Allah il va accepter ses bonnes œuvres. Contrairement à celui qui est sur le shirk, hein, ou sur la bid'a et qui fait des bonnes œuvres, Allah ne va pas accepter ce qu'il fait, même s'il fait des milliers de bonnes œuvres ou des millions de bonnes actions. Et il dit, cette religion sur laquelle je suis, Allah va accepter mes œuvres et il va récompenser mes œuvres par des hasanat. Et il dit, وَيَجْزِي فِيهِ بِالذُّنُوبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ يَشَاءُ. Et il va également rétribuer les gens qui commettent des péchés, excepté s'il les pardonne à celui qu'il veut. Il dit, et je compte, ou bien je compte que Allah me récompense pour chaque hasana que j'ai commis et qu'il les multiplie en valeur, ces bonnes actions-là. Et également, je fais des choses très grandes et très importantes que je n'ai même pas moi-même calculées, et même toi, tu ne peux pas les calculer, si on devait les calculer, ces œuvres-là. Parmi le fait que j'ai établi pour Allah le fait d'établir la salat des musulmans. Juste ça, imagine quelle récompense il peut avoir. Ce n'est pas seulement la récompense pour sa salat qu'il a. Il a la récompense pour la salat de tous les musulmans qui prient dans les mosquées que lui, il a fait construire et que lui, il entretient. C'est lui le responsable de ça. Donc, Allah le récompense pour tous les musulmans qui prient dans le pays et dans la ville où il est gouverneur. Chaque fois qu'un musulman fait la salat, il a une récompense de ce qu'ils font comme bonne action. Il dit, Wal jihad fi sabilillah. Il a également des récompenses pour ça aussi. Il a des récompenses. Il dit, Wal hukmi bima anzal Allah. Et le fait de juger par la religion d'Allah et ce que Allah a révélé. Ça aussi, c'est des hasanats qu'il reçoit. Il dit, ça, c'est des choses, tu ne peux pas les calculer, même si tu essaies de les calculer. Réfléchis, il dit, réfléchis à ça. Il dit à Miswar, réfléchis à ça. Et Miswar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai su à ce moment-là que Muawiya avait eu le dessus sur moi dans cette discussion-là, que c'est lui qui avait raison sur moi. Et quand j'ai vu qu'il a mentionné ça, qu'il m'a mentionné ça, je savais que j'avais plus rien à dire. Et Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais entendu Miswar par la suite dire quoi que ce soit à propos de Muawiya, hein, de mal, excepté qu'il demandait pardon pour lui. C'est tout. Et ça, c'est la narration de Al-Khatib al-Baghdadi, et cette chaîne de transmission, elle est hassan, elle est bonne. Et après, le cheikh, il dit, et si on médite sur le sens de cette histoire, il dit, أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وقع في خطأ عندما طعن على إمامة معاوية رضي الله عنه، وأنه رجع عن هذا الخطأ لما تبين له الحق. Premièrement, Miswar ibn Makhram رضي الله عنه, il est tombé dans une erreur lorsque, parmi les bienfaits qu'on peut tirer de cette histoire, on sait que, premièrement, il a commis une erreur lorsqu'il a dit des erreurs où il a dénigré ou parlé du mal de Muawiyah dans sa gouvernance. Mais il est revenu de cette erreur-là lorsque on lui a clarifié la vérité. Donc il était sincère. Deuxièmement, أن الولاة بشر يذنبون كما يقع في الذنوب غيرهم فإذا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. Deuxièmement, les dirigeants sont des êtres humains. Ça, c'est des choses que certains ils oublient. Ils parlent de leurs dirigeants comme s'ils étaient une classe à part, en dehors des êtres humains. J'ai dit à certains des frères, j'ai dit, vos dirigeants, vous pensez qu'ils viennent de quelle planète? Vous pensez qu'ils viennent de Mars ou de Vénus ou d'une autre planète que la planète Terre? Donc, ils sont une espèce à part. Eux, ils ne peuvent pas commettre de péché. Vous pouvez. Hein? Et donc, c'est ça la réalité des gens. Ils oublient que les dirigeants, c'est une espèce humaine, comme nous. Si nous, on fait des péchés, comment eux, ils vont pas en faire? Et c'est comme Cheikh Ibn Uthaymin, quelqu'un qui lui avait posé la question, « Cheikh, vous ne faites pas la nasiha aux dirigeants ?» Il a dit, « Oui, on fait la nasiha aux dirigeants. » Il a dit, « Mais comment ça se fait qu'ils ne cessent pas ?» Il a dit, « Et vous, on vous fait la nasiha, est-ce que vous cessez ?» Vous ne vous cessez pas, alors eux, ils ne cessent pas aussi, c'est la même chose. Pourquoi vous êtes différents? Hein? Vous êtes au-dessus, vous êtes à part. Si tu deviens demain dirigeant, toi, tu vas cesser. Quand on va te donner la nasiha, tu vas arrêter. Hein, pardon? Pardon? Ouais, les ulama, ils donnent toujours nasiha aux dirigeants. Mais ils donnent les nasiha toujours en privé et de la manière qui est la meilleure. C'est-à-dire, billati hiya ahsan. Avec un respect et avec yani. Après le cheikh il dit wa anna al wulata yaluna min umur al islah akthar mimma yali ghayruhum mimman huwa qa'im bil ifta' aw al da'wati aw al amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al munkar wa nahw dhalik fa ajr al 'adil minhum khayr min ajr ulaika kullihim. Yani, subhanallah, le cheikh il dit également les dirigeants ils ont des responsabilités qu'ils gèrent parmi les affaires qui ont rapport avec la réforme et le bien qui sont beaucoup plus grandes que quiconque parmi les musulmans. C'est eux qui établissent par exemple l'ifta, donc pour les questions religieuses, c'est eux qui déterminent, qui désignent le mufti ou ceux qui donnent les fatawa, c'est eux qui désignent ceux qui sont responsables de la da'wa et qui enseignent aux musulmans la religion, c'est eux qui déterminent et qui désignent et qui placent ceux qui vont ordonner le bien, interdire le mal dans la société, ça c'est de leur devoir, c'est de leur responsabilité. Donc la récompense du dirigeant qui est juste, parmi eux, elle est meilleure que la récompense de n'importe qui d'autre. Hein? La récompense du dirigeant qui est juste, c'est une récompense immense. Hein? Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a mentionnés parmi les sept qui seront couverts de l'ombre du trône d'Allah au jour de la résurrection. Hein? Le premier qui l'a mentionné, c'est Imamun Adil, un dirigeant qui est juste. Hein? Et il dit, « Wa nassa ala dhalika ibn Abd al-Salam fil qawa'id. » ولهذا لما سئل أبو عبد الله التستوري أي الناس خير قال السلطان. Il dit l'imam ibn Abd al-Salam, il a dit dans son livre Al-Qawa'id, ou le cheikh Abd al-Salam ibn Abd al-Salam dans son livre Al-Qawa'id, il dit le dirigeant, c'est parmi les meilleurs. Et on a mentionné, il a mentionné une question qui a été posée à un des salafs, Abu Abdullah al-Tusturi. C'est qui parmi les meilleurs des hommes, c'est lequel? Il a dit, c'est le dirigeant. Il a dit, c'est al-Sultan. Parce que si le dirigeant, il est bon, hein, il n'y a personne qui peut faire plus de bien que lui. Peu importe. Parce que c'est lui qui gère tout dans le pays, qui organise toutes les sources du bien. C'est lui qui organise tout ce qui est des bases pour le bien dans la société. Et même s'il fait des péchés, eh bien, ces péchés sont petits par rapport à tout le bien qu'il peut faire. Et il dit, « وَقَالَ التُّسْتُرِي وَكَانَ التُّسْتُرِي يَقُولَ الْخَشَبَاتَ السُّودَ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى أَبْوَابِهِمْ أَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ 70 قَاضِيًا يَقْدُونَ فِي الْمَسْجِدِ. » Et il mentionne qu'on a posé la question à Abu Abdullah al-Tusturi, rahimahullah, ou bien plutôt que Abu Abdullah al-Tusturi, il a dit, les morceaux de bois noir qui sont accrochés au-dessus de leur porte, c'est plus bénéfique pour les musulmans que 70 juges qui jugent dans la mosquée. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils font tout le bien qu'ils font. Et déjà le juge qui juge dans les mosquées, c'est lui qui les a désignés. C'est lui qui les a placés pour juger entre les gens dans les disputes ou dans les problèmes qu'ils ont. Rabi'an anna wulat al-amr yatahammaluna umuran jisaman tata'allaqu bi masalih al-umma wa masiriha wa ar-ra'iyatu fil jumlati la yudrikun جسامة هذه الأمور وعظمها وإنما يعرفها من كابدها وهم الولاة وهذا قد جاءت آثار كثيرة عن السلف في النهي عن سب الولاة والتحذير منه تراها في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة وقد جرت سنة الله تعالى في من سب الولاة أنه يحرم من خيرهم وكما قال أبو إسحاق وعليكم السلام ورحمة الله وكما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله ما سب قوم أميرهم إلا حرم خيره أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن وابن عبد البر في التمهيد وأخرج ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفا قال من لعن إمامه حرم عدله حرم عدله. Donc ici le cheikh il dit pour terminer dans le quatrième point que les dirigeants ils ont apporté des responsabilités et des choses qui sont extrêmement grandes et qui sont reliées avec le bienfait de toute la umma et également l'orientation et la gestion de tout ce qui a rapport avec la Ummah et son avenir. Donc, les dirigeants, ils ont cette responsabilité-là, et la population, en général, ils ne réalisent pas à quel point ces responsabilités-là peuvent être lourdes et grandes. Mais c'est seulement ceux qui ont qui ont vécu ce genre de position, de responsabilité, qui peuvent comprendre à quel point elles sont graves et sérieuses, ces responsabilités-là. Et il dit, et c'est ça qui a été mentionné dans plusieurs des narrations de la part des salafs, et ils ont mentionné l'interdiction d'insulter les dirigeants et l'avertissement contre le fait de les insulter. Et il dit, tu peux retourner à mon livre, en parlant du livre de son livre, le Cheikh Abdussalam ibn Burgess, il dit dans mon livre « Mu'amalat al-Hukam fi daw al-Kitab wa-Sunna » dedans, il y a un chapitre qui parle de ce sujet-là, où il mentionne les paroles des salafs à ce sujet. Et il dit, et on a vu que dans la règle d'Allah, comment la personne qui insulte les dirigeants est souvent privée de leurs biens. Hein? Celui qui insulte les dirigeants, en général, il est privé de leurs biens. Et un des imams parmi les salafs, Abu Ishaq al-Subayi, il disait, il n'y a pas un peuple qui insulte leur dirigeant ou leur gouverneur, excepté qu'ils sont privés de son bien. Et ça, c'est rapporté par Abu Amr al-Dani dans son livre Al-Fitan et Al-Tamhid de l'imam Ibn Abdul Barr. Et Ibn al-Jawzi, il mentionne dans son livre Manaqib Ma'ruf al-Karkhi, avec sa chaîne de transmission selon Ibn Hikman, que Ma'ruf a dit, quiconque insulte son dirigeant, il sera privé de sa justice. Il ne nous reste pas beaucoup. Hein? 1, 2, 3, 4, 5 pages. Si on va rapidement, peut-être on aura le temps de le terminer, inshallah. Donc le dernier point, la dernière conséquence, c'est « At-tasaddur lil-ilm shar'i min juhalin fi haqiqati amrihim ». C'est-à-dire, parmi les causes qui amènent à des fitanes et à la division de la jama'a, le fait que des gens qui sont ignorants dans leur réalité se mettent au devant de l'enseignement ou de la science, de la religion. Et yani, ça c'est une des grandes causes. Parce que quand des ignorants se mettent en avant pour enseigner ou pour prêcher la religion, et qu'ils ont des méthodologies qui sont contraires à la sunna, et qu'ils commencent à prêcher aux gens selon l'idéologie des khawarij ou des autres groupes ou des autres sectes, eh bien on voit comme conséquence justement le fait que les gens se tournent vers la bid'a aussi. Hein? Parce que ces gens de bid'a-là les encouragent vers la révolte et la rébellion, et ils vont eux-mêmes les encourager à insulter les dirigeants et à les dénigrer et à se rebeller contre eux. Donc le cheikh il dit inna al-khawf 'ala al-ummati min ulaika alladhina labisu thiyab al-'ilm ash-shar'i wa ma hum min al-'ilm ash-shar'i fi shay la huwa al-khawf as-sadiq 'ala al-ummati min al-fasad wal-inhiraf dhalika bi anna tasaddur al-juhhal fi hin faqd al-'ulama as-sadiqin al-mutamakkinin باب واسع للضلال والإضلال وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخرجه البخاري ومسلم ولقد تنبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف من الناس على دين الأمة وعقيدتها ومصيرها فقضوا بوجوب الحذر والتحذير منهم وعدم الأخذ عنهم وأنا أنقل نصين من كلام أهل العلم هما غاية في شرح هذا الباب الأول قول أبي بكر محمد ابن الطيب الباقيلاني رحمه الله تعالى. Donc pour commencer, le cheikh dit donc la crainte pour cette umma de la part de ceux qui portent le vêtement de la science religieuse mais qui n'ont rien à voir avec celle-ci, c'est une crainte qui est véridique, hein, et qui est sincère pour cette umma, pour éviter justement qu'elle tombe dans la corruption, dans le désordre et dans la déviation. Et donc, lorsque des gens ignorants se mettent à l'avant, à l'avant-scène de la prêche et de la da'wa et de l'enseignement, alors que on vit dans une période où les ulama sincères et véridiques sont en train de diminuer, hein, et on commence à les voir devenir de moins en moins nombreux, hein, eh bien, ça c'est une porte ouverte vers l'égarement et il y en a la déviation et l'égarement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a informé de ça vers la fin des temps, que les savants allaient diminuer et qu'il allait avoir de plus en plus d'ignorants qui allaient parler sans science. Et le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah va retirer la science, mais il ne la retire pas en la retirant des serviteurs. C'est-à-dire, il ne va pas leur enlever la science, de la retirer dans leur cœur directement, non. Il leur enlève la science en faisant mourir les ulama. Lorsque les ulama meurent, la science, elle commence à disparaître. Hein? Et il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Alors les gens vont prendre des ignorants comme comme chef ou comme savant. Ils vont les mettre en avant, ils vont leur donner des positions et ils vont leur donner des questions. Ils vont leur poser des questions sur la religion et eux, ils vont donner des fatwas sans science. Aftaw bi ghayri ilmin. Hein? Ils vont prendre des têtes ignorantes, ils vont les questionner à propos de la religion, hein? Et ils vont donner des fatwas, des verdicts religieux sans science. Et par conséquent, ils vont s'égarer eux-mêmes et vont égarer les gens avec eux. Fadallu wa adallu. Hein? Alors le cheikh, il dit que les hommes de science sincères ont fait porter l'attention des gens sur le danger de cette catégorie de personnes pour la religion de la Ummah et pour la croyance et l'orientation de la Ummah. Et donc, ils ont établi qu'il était obligatoire de mettre en garde et d'avertir contre cette catégorie de personnes et de ne rien prendre d'eux. Et parfois même, des fois, les gens, hein, ils prennent certaines personnes, même qui, à notre époque, sont des gens qui sont très célèbres ou très connus, puis qui, en réalité, sont sur une méthodologie qui est contraire à la méthodologie des salaf salih et qui appellent à des choses qui sont clairement et explicitement opposées au Coran et au Hadith et à la parole des salaf. Et les gens ne savent pas que ces gens-là sont des égarés. Ils pensent que ce sont des savants. Ils pensent que ce sont des références religieuses, alors que ce sont des gens qui sont dans beaucoup d'innovation et beaucoup de bid'a. Et la raison pour ça, c'est que parfois les gens, ils ne savent pas eux-mêmes le Coran et la Sunna. Ils n'ont pas étudié les bases de la croyance islamique non plus. Par conséquent, ils n'ont pas de référence pour distinguer entre qui est sur le vrai et qui est sur le faux. Et ils ne savent pas distinguer non plus qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui est bid'a. Et donc, ils s'égarent parce qu'ils prennent de n'importe qui sait bien parler, ou qui est éloquent, ou qui, qui cite des versets ou des hadiths. Les gens disent, ah, lui, il a l'air d'un savant, donc il est savant. Des fois, j'ai vu des gens en Arabie Saoudite, ils marchent, c'est des hujjaj, ou des gens qui viennent faire la umrah. Ils marchent, et tout à coup, il voit un homme avec une barbe blanche et une rotra sur sa tête et un mishlah, comme les vêtements que les chouyouks ils portent. Et ils le voient comme ça. Ils ne savent même pas qui il est. Ils ne savent pas son nom. Ils ne savent pas d'où il sort. Mais juste à cause de son apparence, ils s'imaginent que c'est quelqu'un qui a du ilm. Et ils vont pour lui demander des fatwas ou pour le questionner sur la religion. Et lui, il ne sait rien de rien. Hein? C'est juste un musulman ordinaire, comme moi et toi. Et il pense que c'est un savant parce qu'il a l'apparence de quelqu'un qui a de la science. C'est à ce point-là qu'on est arrivés, nous les musulmans maintenant. Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire attention à ça. Et il dit, le cheikh, donc je vais vous citer deux textes, des paroles des hommes de science pour expliquer ce point-là. Il dit, al-awwal, la première citation, c'est la parole de Abu Bakr Muhammad ibn Tib al-Baqilani. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps d'expliquer ces deux paroles-là. Il est déjà 7 heures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici. Puis, Inch'Allah, on terminera le livre la semaine prochaine, au prochain cours, Inch'Allah. Puisque là, on voit que le temps nous manque. Mais ce n'est pas grave, alhamdoulillah. On pourra faire une conclusion plus approfondie la prochaine fois, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.